Un mauvais rêve, un cauchemar qui s'entête. Si mes deux pincettes, ça me hurle dans la tête. C'est comme un mauvais pli, un avis qui t'empête. Si mes deux pincettes, ça me cogne dans la tête. C'est comme un mauvais rêve, un cauchemar qui s'entête. Si mes deux pincettes, ça me hurle dans la tête. C'est comme un mauvais pli. On se targue d'effacer les erreurs du passé et on laisse à nouveau. Il y a des mauvais traitements qu'on doit pas oublier. Sous peine de voir tout ça à nouveau recommencer. Si mes deux pincettes, j'arrive pas à y croire. C'est comme une idée noire, une victoire du pouvoir. Si mes deux pincettes, j'y ai pas vraiment cru. C'est comme une mauvaise blague via passage à tabac. Je pensais que c'était l'heure de marcher de l'avant. Aller vers le meilleur avec des idées neuves. Mais c'est pas encore l'heure, les cerveaux sont éteints. L'heure d'avoir des leurs est prévue pour demain. J'ai pas envie de vivre le cerveau pressurisé. J'ai pas envie qu'on dise comment je dois penser. Ça résonne dans ma tête. C'est un truc qui fait mal. Une pilule qu'on avale. Si mai 2007, la réforme est en route. Des odeurs de banqueroute. Un poison qu'on avale. Si mai 2007, ça sonne comme un coup près. Des idées guillotinées. C'est toi qu'on avale. Si mai 2007, ça grouille comme un chapelet. De souffrances à venir. Car c'est nous qu'on avale. Au fond, moi j'ai cru que tout allait s'arranger. Un réveil des consciences aurait contribué à un futur meilleur, à un autre demain. Demain, j'en ai bien peur, sera sans lendemain. Si mai 2007, ça fait mal à la tête. C'est comme un mauvais mal, il faut que ça s'arrête. Si mai 2007, j'ai besoin de respirer. Je suis comme un nageur, trop longtemps en apnée. Si mai 2007, il faut que je me réveille. Le matin va se lever, le rêve va cesser. Si mai 2007, et pourtant c'est réel. La nuit vient de tomber, le cauchemar de commencer. Si mai 2007.